Maintenant, on va écouter l'entrevue d'Alia qui a rencontré un peu plus tôt cette semaine dans un café la graffeuse Starchild Stella. Stella fait du graffiti depuis plusieurs années. Le graffiti, l'art de rue et le féminisme sont des sujets sur lesquels elle réfléchit aussi de façon plus théorique. Puis, comme elle va nous l'expliquer, elle a un style dit « queer femme », c'est-à-dire qu'elle peint des personnages au visage doux, voire féminin, avec des couleurs pastels, mais aussi accompagné de messages chocs comme « fuck you, you and your macho bullshit » ou « cats against catcalls ». D'ailleurs, tout au long de l'entrevue, on va partager des œuvres de Stella sur notre Facebook et le compte Twitter de sécurité, là, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Puis avant de débuter le segment, il faut aussi préciser, pour bien comprendre le propos de Stella, qu'elle fait une distinction entre le graffiti, qui utilise l'aérosol, et l'art de rue ou street art, qui utilise d'autres médiums comme les affiches. Donc on écoute Stella nous parlait de son expérience en tant que graffeuse et en tant que féministe. Bonjour, mon nom est Starchild Stella. Je suis une artiste qui pratique depuis plusieurs années. Ma technique, si on veut, c'est le graffiti. En fait, c'est un espèce d'hybride entre le graffiti et le street art, dans le sens que j'utilise beaucoup de canettes aérosol, mais j'utilise aussi différents médiums, comme le collage et les autocollants dans la rue. Aussi, mon style est différent parce que je fais pas du graffiti traditionnel. Je fais surtout des personnages. À ce moment-ci, dans ma vie, je dirais que c'est comme un peu une exploration de mon identité en tant que personne queer et femme et qui aime beaucoup le style femme, si on veut. Pour moi, c'est vraiment une méthode de coping pour dealer avec mes problèmes. Donc, tout mon art est vraiment personnel et qui est vraiment un produit de ma douleur, si on veut. Dans mon travail, les thèmes récurrents, c'est l'amitié, le support. Je parle beaucoup sur le harcèlement de rue et aussi de s'identifier en tant que survivor, mais en tant que... J'ai pas trouvé de bonne traduction en français, mais comme de personnes qui ont survécu le viol. Donc ça, c'est les thèmes qui sont le plus importants dans mon travail en ce moment, mais ça a évolué au cours des années et ça risque d'évoluer drastiquement dans les prochaines années. Mon esthétique est femme. Je fais des personnages qui sont femmes et fierce, et c'est des personnes fortes qui prennent pas de bullshit. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle joue le féminisme dans ton art? C'est-à-dire, est-ce que tu étais féministe avant de faire du graffiti ou est-ce que tu es une graffeuse avant d'être féministe? Mon coming out féministe est assez récent. Je dirais que ça fait depuis 2010 que je m'identifie vraiment fortement comme féministe. Ça aussi, ça a évolué au cours des années. Je suis pas la même féministe qu'en 2010. Il y a beaucoup d'évolutions qui s'est faites. En fait, c'est vraiment intéressant parce que je m'intéresse au graphe depuis vraiment plus longtemps. Puis à l'époque, je me voyais même comme anti-féministe, qui est un peu une joke là. Ça a vraiment progressé mon affaire. Je me suis intéressée au féminisme pour dealer un peu avec ma santé mentale, puis à mettre des mots à mes expériences de traumatisme. Donc, c'est très personnel, puis je vais pas entrer trop là-dessus, mais pour moi, le féminisme est apparu dans ma vie pour théoriser des expériences de ma vie de tous les jours et des événements comme que je peux mettre à l'écart. Mais c'est ça, pour moi, ça a vraiment été un gros changement dans ma vie, puis ça m'a vraiment aidé à passer au travers des expériences négatives, si on veut. Mais avant, je vivais du sexisme, mais je me rendais pas compte. J'appelais pas ça comme ça. Je trouvais juste que, c'est de la merde, qu'est-ce qui m'arrive. Je pensais pas que c'était quelque chose de genré. Maintenant, je suis capable de le théoriser puis de le verbaliser d'une autre façon. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me qualifient de feminist street artist. Mais ça, je dirais que c'est assez nouveau dans ma carrière. Puis même dans mon art, c'est quelque chose de relativement nouveau. Puis, je pense que ça va continuer comme ça pour un bout. Puis, à ton avis, est-ce qu'il existe un art de rue féministe? Est-ce qu'il y a un mouvement ou une communauté ou un réseau qui se crée à Montréal ou ailleurs dans le monde qui tourne autour de cet art de rue féministe? Communauté, c'est un mot qui est assez loaded. C'est un mot qui est très qui est très fort. En ce moment, à Montréal, je pense pas qu'il y ait quelque chose comme une communauté de street art féministes. Même mondialement, c'est vraiment difficile de parler de communauté parce que, pour moi, pour qu'il y ait une communauté, ça prend des membres actifs qui sont là depuis plusieurs années, ainsi que des nouveaux membres, on s'entend. Mais je dirais que le street art féministe, comme on peut le penser, c'est relativement récent, même si il y en a toujours eu, si on veut. C'est depuis la deuxième vague féministe, les graffitis féministes, c'est quelque chose de super présent par rapport au mouvement, si on veut. Mais je dirais que c'est communauté, non. Est-ce qu'il y a un network, un réseau de street art, de féministes qui font du street art? Oui, il y en a, mais je dirais pas que c'est une communauté parce que je pense qu'on est tous un peu isolés l'un de l'autre, puis il y a très peu de dialogue qui découle entre nous, entre street artists. Je pense qu'il y a quand même des dialogues entre le public et certaines street artists, mais entre les street artists comme tels et de support, j'en vois pas tant que ça. Tandis que je te dirais que dans le graph, il y a vraiment quelque chose entre femmes. Il y a plus quelque chose que ça, même communauté, dans le sens que depuis les années que j'en fais, j'ai rencontré plein de femmes qui en font, qui viennent de différentes villes, même de différents pays. On me présente régulièrement des femmes qui en font par le biais d'Internet ou juste par contact, par des amis. Puis toutes ces femmes-là, si elles viennent à Montréal, je vais les accueillir, je vais aller peindre avec elles. Puis si je vais dans une autre ville, si je vais à Berlin, si je vais à New York, si je vais à Boston, si je vais à San Francisco, Oakland, un peu n'importe où, il va y avoir une femme qui va être là pour m'accueillir, pour peindre avec moi. Pour moi, ça, c'est une forme de support que, dans le street art, j'ai pas encore vécu. Je dis pas que ça n'existera pas ou que c'est utopique de penser que ça arrivera pas. Mais en ce moment, je pense que communauté, c'est un mot qui est trop loaded pour utiliser pour décrire qu'est-ce qui se passe entre les féministes qui font du street art. Parce que c'est assez nouveau aussi avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe et les discussions qu'on a. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment les autres artistes de la scène réagissent à ton travail? Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je peux juste parler de mes expériences à moi, qui sont très particulières parce que j'ai un style qui est très femme et qui est aussi très personnel. Puis aussi, dans la vie, ma présentation, c'est un style qui est très femme. Je suis les gens me décriraient genre comme une féfille, genre. Je sais pas comment dire ça autrement, mais la façon que je me présente dans la vie de tous les jours, ça influence vraiment la réception de mon travail, aussi la réception, comment les gens m'acceptent et me jugent, si on veut. Fait que on parlait de coming out féministe un peu avant. Moi, mon coming out féministe est vraiment relié à mes expériences avec la misogynie dans le graffiti, avec la culture du viol à l'intérieur du graffiti, et aussi parce que c'est, je dirais, en fait, quand t'es une femme dans ce milieu-là, c'est vraiment si t'es hâtée comme femme, parce que si t'as un style qui est comme un peu gender neutral, si ton style de graffiti ou de street art a pas de genre comme tel, tu vas être moins victime de sexisme. Peut-être dans tes relations interpersonnelles, c'est peut-être différent, mais comme ton art va être moins visé par la misogynie, par l'homophobie, par la transphobie, etc. Mais pour moi, mon expérience, j'ai toujours vécu énormément de misogynie là-dedans parce que j'ai un style qui est très femme et je peinture des personnages qui sont très fierce puis qui parlent contre ces dynamiques-là, contre la culture du viol, mais contre le harcèlement dans la rue, les quatre cases, puis le sexisme de tous les jours, si on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment facile de parler de misogynie parce que j'en ai vécu énormément, et dans ma vie personnelle, et dans mon art, et dans la réception de mon art. J'essaie de pas parler au travers de mon chapeau parce que je connais juste mes expériences et celles de mes amis, et c'est pas à moi de parler des expériences des autres personnes, si on veut. Mais tu sais, il y en a de l'homophobie, du sexisme, de la transphobie, du racisme, et beaucoup d'autres comportements oppressifs au travers du graffiti puis du street art, et même à Montréal. Mais ces choses-là sont vraiment difficiles à caller out, là. Je sais pas trop comment dire ça, mais comme de parler de ces choses-là, c'est vraiment difficile parce que d'un côté, c'est des expériences super personnelles pour les personnes qui sont concernées, mais aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de plateforme pour ça. Il n'y a aucun moyen de se sentir en sécurité par rapport à ces sujets-là. Puis je crois pas vraiment comme que... Je crois pas au safe space de façon générale, là. Mais dans ce milieu-là, c'est impossible. La rue, c'est à tout le monde, là.